long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. Soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonsoir, messieurs, dames, et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'actualité ludique. En votre compagnie, la voix joviale au micro est celle de François Gécouillard, et je suis en compagnie de Guillaume Farrand. Salut, Guillaume. Salut, François, ça va bien? Ça va très bien aujourd'hui. De toutes sortes d'informations sur l'univers du jeu. On va avoir Andrew Castegan en direct du sud du Québec qui va nous parler du jeu Hyper Dimension Neptunia. Et toi, Guillaume, qu'est-ce que tu vas nous offrir? Moi, comme il y a deux semaines, j'ai parlé de Penny Arcade Exposition, donc PAX East, qui a lieu dans quelques semaines, dont je vais être présent. Et cette semaine, je vais vous parler un peu des panels, donc pas les conventions, mais les choses qu'on peut assister, que les gens vont nous parler des sujets différents. Donc, j'ai sorti une liste de choses que moi, j'ai trouvé plus intéressantes. C'est loin d'être la liste complète, mais quand même plusieurs points intéressants que les gens vont peut-être vouloir avoir plus d'informations une fois que ça va être terminé, savoir qu'est-ce qui s'est dit pendant ces panels-là. Puis le PAX East, c'est probablement la plus grosse convention en Amérique du Nord de jeux vidéo, je pense. Oui, depuis plusieurs années, là, surtout depuis que le 3 s'est converti un peu, là, c'est vraiment rendu là, la place de gaming, on pourrait dire, à un tel point qu'ils ont été obligés d'en faire un sur la côte ouest puis un sur la côte est, tellement qu'il y avait de demandes. Donc, Puissance Maximale, en plus, il sera. Et donc, on va avoir plus d'informations sur la programmation tout à l'heure avec Guillaume. Sinon, ben moi, je vais vous offrir de l'actualité, donc plus politique par rapport aux jeux vidéo. Et puis, on va avoir Vincent Langlois qui devrait venir plus tard pour nous parler aussi d'un jeu. Le jeu... Bulletstorm, qui est un jeu de FPS, un first-person shooter, un jeu de tir à la première personne. Il va pas nous en parler un petit peu plus tantôt, je l'ai essayé hier soir, je vais pouvoir commenter en même temps, puisque j'ai un petit peu d'expérience sur le jeu. Alors, Puissance Maximale, c'est aussi de la musique. Alors, c'est aussi un site web, puissancemaximale.com. Il y a une page Facebook aussi. Allez vous inscrire, cliquez « J'aime ». Et puis, vous allez avoir toutes les émissions. Vous allez pouvoir réécouter, que vous allez pouvoir écouter à l'envers si vous voulez. Vous pouvez écouter trois émissions en même temps, ça vous tente. Les couper à moitié puis repartir une autre. C'est comme vous voulez. Vous pouvez mixer. Vous êtes libre. Il n'y a pas de problème. Ça va te faire taisy. Et puis, c'est ça. On est diffusé à CKIA aussi, on est diffusé dans diverses radios à travers le Canada, comme CIVR, CJBE, et à Bande Noire France, nos cousins français. C'est d'ailleurs une très bonne radio Internet, là. Il y a de la musique, essentiellement de la musique de jeux vidéo. Alors, allez découvrir ça sur Abandon Noir France. Sinon, on va écouter une pièce, Guillaume, de ton choix. Donc, cette semaine, je vais y aller plus avec de la chanson qui est reliée avec PAX East, parce que PAX, c'est plus que juste du jeu vidéo, c'est de la musique inspirée de jeux vidéo. C'est toute une culture, hein? c'est large, le PAX. C'est large, c'est gros. Et on va y aller avec qu'est-ce qu'on appelle du nerdcore, dans le fond, de la musique geek, dans ce cas-ci, plus rap, avec MC Frontalot. Et la chanson, vous allez écouter, c'est un peu la chanson thème de Penny Arcade qui a fait pour eux autres. À un tel point que maintenant il est rendu à toutes les conventions de Penny Arcade. Il est toujours là, il fait toujours de la musique. Et donc vous allez pouvoir découvrir ça là, sur les ondes dans quelques instants. Sur les ondes de CKIA, vous écoutez Puissance Maximale. Now, let's begin to type some words. Word. Yo, when I hit it. L shift O to the quote and then dollar. If you know the dirt of the nerdcore rhyme, you holler. I hit L. strike up this band of nebuchets to cultivate nebulous fetishes. The FPS, RPG, or MM called in a obsession to blather over by blog or BBS. Step and possess, home by geekishness. Your frame rate and frags today both impress. And yes, your affinity for a certain sight of some amusement. A classically adorned pog or a fun where you let loose pent up set pieces to partake of flicker dramas. Get you branded a sniper bitch or rocket mama humper. Damn, dude, they said you're cheating, but with coins in hand, you got more game than Will Wheaton. When's the MC about to get funny? I'm losing patience. Wanna know how the pants contain one wang and two neck stations in a tandy hall where he plays whack-a-mole with the toilet paper. Front a lot can rock the PA song at the lowest common denominator. Not as a hater of culture or a lacquer in class, but an expert at math, accounting how the penny arcade owns your ass. L shifts over the quote and red dollar. If you know the girl of the nerdcore rhyme, you holler. My head L shift over the quote and red dollar. If you know the girl of the nerdcore rhyme, you holler. My head L shift over the quote and red dollar. If you know the girl of the nerdcore rhyme, you holler. Friedemann Friese und Sie hören Puissance Maximale. Et oui, maintenant on se dirige vers la chronique à Guillaume Forain qui vient nous parler de PAX East, la grande convention de jeux. On parle de micros, jeux vidéo, mais aussi de jeux de plateau, musique de jeu, jeux d'arcade. Jeux de rôle, justement, il y a été l'année passée, on a même eu la chance de voir la table, dans le fond, de gaming de Wizards pour 4e édition, là, interactif, tactile. Donc, c'est plus que juste jeux vidéo, comme tu disais, c'est de tout. Dès qu'on parle là, de vraiment là, de jeux, peu importe la nature, le style, on a là-bas, on a pour tous les styles, on a pour tout le monde, puis pour les gars, pour les filles, faut juste aimer qu'est-ce qui est le jeu, puis on est sûr de s'amuser là-bas, c'est sûr et certain. Cette année encore, comme l'année passée, ils ont beaucoup de choses, ils ont agrandi un peu, dans le fond, l'espace pour les gens d'avoir des kiosques pour montrer qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils savent faire au niveau des développeurs de jeux. L'année passée, justement, t'avais été voir le kiosque, je pense que c'était de Rockstar. Oui, t'avais même fait la ligne pour y aller justement là, là-dessus. Donc, je vais vous faire une petite liste là, de qu'est-ce qui est possible de voir, qu'est-ce que moi-même je trouve intéressant là, de pouvoir aller voir là-dessus. On va commencer bien sûr avec le keynote, donc le discours d'inauguration, le discours qu'on commence avec ça. Cette année, c'est quelqu'un que je connaissais pas qui fait ça, qui va le faire. L'année passée, c'était Will Wheaton, que moi je connais personnellement, qui était un gros fan de gaming, qui était un peu l'ambassadeur du gaming aux États-Unis surtout, mais un peu partout dans le monde. Cette année, c'est une dame qui se nomme Jane McGonigal. Ah oui, oui, oui. Celle qui dit que le jeu vidéo, ça va sauver l'humanité. Là. C'est ça, effectivement. ne pas se tromper non plus avec le personnage de Harry Potter, parce que le nom, ça ressemble un peu. Sur le coup, j'ai comme fait, ça me semble que ça dit quelque chose comme non. Mais effectivement, c'est une dame. Entre autres, elle a fait un discours sur TED. Je ne sais pas si tu connais TED un peu. C'est un site web où est-ce que des gens vont faire des discours qui durent des fois une demi-heure et ils donnent des idées qui sortent un peu du point commun sur comment que le futur, qu'est-ce qu'on peut faire pour le futur, que ce soit pour sauver la planète, que ce soit pour la race humaine en tant que d'être humain, pour le bien-être de tous. Donc, c'est beaucoup de discours intéressants. Je vous suggère de faire des recherches là-dessus. TED, faites TED Speak ou Speech et vous allez pouvoir trouver assez facilement sur Internet plusieurs, en fond, on pourrait dire, chroniques individuelles de personnes très, très intéressantes là-dessus à découvrir pour ceux qui veulent en apprendre un peu plus sur quoi les idées qu'il y a dans le futur. Puis la madame, là, Jane McGonigal, ceux qui veulent en savoir plus, là, ceux qui lisent Rue Frontenac, il y a une version papier qui est distribuée à grandeur de la province. Là. Ça va arrêter bientôt parce que mon conflit de travail vient de terminer. Mais ceux qui mettent la main sur une copie du Rue Frontenac, il y a un article sur Jane McGonigal. Oh, ouais. Intéressant, je vais essayer de trouver ça justement. J'étais pas pas au courant. Elle, dans son cas, justement, comme que tu disais, elle a même fait un livre qui s'appelle Reality is Broken, donc la réalité est brisée, où est-ce qu'elle décrit comment que les gamers, c'est nous autres qui va être capable de sauver l'humanité dans le futur, parce que c'est nous autres qui auront les outils pour, car ceux qui ne sont pas, n'auront pas les outils appropriés pour pouvoir se défendre dans le futur et pouvoir faire avancer la race humaine comme société. Ouais, elle a un discours un peu jovialiste, là, moi, personnellement, en tout cas, on pourrait en parler, mais bon, mais ça, c'est son discours à elle. C'est son discours à elle, quand même intéressant. Moi-même, je vais essayer de rentrer dans ce panel-là, je peux assurer de pouvoir le faire, parce qu'il va falloir être là d'avance pour pouvoir rentrer. Je vais essayer d'être là une heure à l'avance, puis ça se peut que je ne sois pas capable de rentrer même pour le discours. C'est dans le théâtre principal, on ne sait pas il y a combien de personnes qui rentrent. On s'attend à au-dessus de 50 000 visiteurs pendant toute la fin de semaine à PAX East, parce que l'année passée, il y a eu 56 000 personnes. Cette année, ils ont vendu encore plus de passes, donc pas assuré que je puisse rentrer, mais je vais vraiment essayer fort d'aller voir ça. Un autre panel très intéressant qu'il y a justement, c'est un World Exclusive Demo, donc un démo exclusif au monde. Donc c'est la première fois qu'ils vont montrer quelque chose à propos de Kingdom of Amular Reckoning. Okay. Ça, c'est un concept qui a été conçu entre autres par, je vais juste sortir les noms, le créateur de Spawn, Todd McFarlane, qui a travaillé là-dessus. Okay. Era Salvatore, qui a fait entre autres les romans de Driss, qui a travaillé là-dessus. Ken Rolston, qui était le lead designer pour Elder Scrolls Oblivion. Okay. Donc, c'est des gros noms. Oui. Et il y a aussi que pendant le panel, il va y avoir Curt Schilling, joueur de baseball, si je ne me trompe pas, qui a un studio de jeux vidéo qui va être là pour ça aussi. Donc, des gros noms pour un RPG supposément qui va être révolutionnaire, qui va sortir plein de choses. J'ai pas eu des chances. Quand ils sortent des nouveaux jeux, c'est toujours révolutionnaire. C'est toujours révolutionnaire, mais il y a quand même des gros noms là-dedans. Donc, c'est quelque chose que j'ai des attentes à... On va aller voir c'est quoi. Peut-être ça va être tout à fait mauvais, ça va peut-être être du déjà vu, puis ils font juste remélanger la sauce un peu. Mais ça va peut-être être quelque chose de révolutionnaire. C'est quand même des artistes qui ont de talent, qui ont produit des choses que les gens ont aimées. Donc, quelque chose peut-être à découvrir assez intéressant là-bas. Moi, c'est sûr, certain, je vais être là. Si je suis capable de vous donner plus de détails... Les adeptes de jeux de rôle comme nous, là, oui, c'est intéressant. Ça nous intéresse. Surtout, peut-être quelques photos, quelques vidéoclips à travers, si je suis capable de rentrer à la caméra, puis on a le droit de prendre des photos. On va voir, on va espérer. Un autre panel très intéressant que moi, je vais aller voir, c'est le titre, c'est D&D Edition Wars. Dans le fond, c'est quelques personnes qui vont s'asseoir et qui vont débattre des différentes éditions de Donjons & Dragons. Qu'est-ce qui fonctionnait dans la première édition? Qu'est-ce qui était bon dans la deuxième, dans la troisième, dans la quatrième? Ça, bon, c'est vraiment un débat de gamer. C'est vraiment un débat de gamer. Mais qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, que moi, j'ai trouvé intéressant? Entre autres, dans les personnes qui vont être là, il y a Keith Baker. Keith Baker, c'est lui qui a créé le monde d'Eberron, qui était dans le fond, qui a gagné le concours pour créer un monde en troisième édition pour Donjons & Dragons, qui écrit des romans aussi. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a de l'expérience dans le domaine et qui a des points de vue là-dessus. Lui-même, il a travaillé sur la quatrième édition, il a travaillé sur la troisième pour les produits d'Eberron. Il y a aussi Zeb Cook, qui lui a fait, qui était un designer d'édition pour la première et deuxième édition. C'est un designer, donc lui aussi, il a travaillé là-dessus. Donc, c'est quand même un vieux de la vieille. C'est ça, c'est un vieux de la vieille, puis c'est des noms connus des gens qui sont dans le milieu. Donc, quelque chose qui va être intéressant de voir leur point de vue sur les différentes éditions. Qu'est-ce que les autres aiment de la dernière, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. C'est. D'un autre côté, c'est un peu un point de vue biaisé qu'on va avoir, parce que c'est tous des gens qui ont déjà travaillé sur Donjons & Dragons. C'est des gens vendu d'avance au maudit système des vins que... Ben, au fait, ça cause... Oui et non, parce qu'ils vont parler, ils vont parler de Donjons & Dragons, ils vont parler de cette édition-là, de ce jeu-là. Par contre, ils vont parler des éditions différentes et il y a beaucoup quand même de schismes entre les fans de Donjons & Dragons. Absolument. Il y a encore du monde qui joue à première édition, il y a du monde qui joue à deuxième, il y en a qui veulent rien savoir de la quatrième, il y en a d'autres, c'est la 3.5, il y en a d'autres, c'est l'édition Pathfinder qui est l'équivalent de 3.75 ou 3.8. Donc, quand même plusieurs différents points de vue là-dessus. Donc, quelque chose à aller voir et à suivre, que moi-même, je vais tenter encore une fois, si c'est possible de rentrer, aller voir ça et peut-être même faire signer des livres si ça donne. Un autre petit panneau intéressant, parce que qu'est-ce qu'il faut savoir aussi, les panneaux là-dedans, c'est pas juste des nouveautés qui sortent, c'est des discussions aussi, comme vous pouvez voir. Il y en a un autre, c'est les règles maison et comment valer des autres jeux de rôle. Donc, pour tous les maîtres de jeu qui aiment ça prendre des règles à gauche et à droite d'un système à l'autre, ils vont faire un petit panneau là-dessus pour parler justement le comment faire ça pour que ça ait du sens, que ça tienne debout. Parce que, comme moi, personnellement, j'aime moins mettre des règles maison parce qu'à un moment donné, ça vient mêlant. Il y en a d'autres qui aiment ça en mettre tout plein, mais là, justement, ils viennent mêler. Donc, ils vont donner quelques conseils, comment organiser ça, qu'est-ce qui peut être bien, comment aller... on pourrait dire, voler, et sans nécessairement voler non plus. Donc, comment aller emprunter les bonnes choses de jeux différents vis-à-vis d'autres jeux? Donc, pour créer un meilleur jeu de rôle, ouais. Mais des meilleures campagnes là, pour les gens, justement, pour les maîtres de jeu, puis pour les joueurs aussi là-dedans, là, qui peuvent quand même avoir des intérêts. Beaucoup de choses pour le jeu de rôle? Beaucoup de choses quand même jusqu'à date pour le jeu de rôle. C'est sûr, certains, moi, je m'intéresse plus à ça, mais il y a tout plein de choses possibles pour les jeux vidéo. Vous allez voir, il y en a quelques autres qui s'en viennent là-dessus. Je vais quand même faire ça rapidement parce que je pourrais en parler peut-être pendant une vingtaine de minutes. Il y en a un autre intéressant, bien sûr. Bon, il y a les concerts de musique le soir, le vendredi et le samedi soir. Dans les groupes que les gens vont pouvoir écouter, vendredi soir, il y a le Protoman que moi-même j'ai découvert l'année passée, MC Frontalot qu'on a entendu tantôt, et Metroid Metal qui font des tunes plus metal de Metroid. Ils étaient là l'année passée, eux. Qui étaient là l'année passée, justement. Donc, eux vont être disponibles vendredi soir là, à écouter. Quelque chose quand même intéressant pour les amateurs de musique. En allant côté musique aussi et plus, on pourrait dire, panel intéressant pour le samedi, il y a Harmonix qui va faire un Q&A, donc une session de questions et de réponses, mais inverse. Donc, c'est eux qui vont poser des questions aux gens dans la foule pour avoir des réponses. Donc, ils vont parler de leur jeu, qu'est-ce que les gens veulent, peut-être qu'est-ce que les gens veulent s'attendre dans les jeux futurs, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé. On le sait pas, ils disent pas exactement de quoi ils vont parler exactement, mais ils vont poser des questions aux gens dans la foule. Donc, un Q&A inverse qui peut quand même donner des résultats assez intéressants. Comme l'année passée, un autre panel, c'est Geek Parenting. Donc, pour les parents geeks, quoi faire avec leurs enfants? C'est quoi qui est trop jeune pour lire le Hobbit, Lego Star Wars, à partir de quel âge que c'est bien, Star Wars tout court, comment introduire les jeunes aux jeux vidéo, aux jeux de rôle, donc des choses intéressantes pour les parents. Moi, dans ce cas-ci, pas d'enfants, donc j'irai pas le voir, mais avoir des enfants, c'est sûr et certain, je serais rendu là-bas en train d'écouter ça. Une autre affaire intéressante aussi, Guild Wars 2. Il va y avoir les gens vont pouvoir l'essayer là-bas directement. Il y a même un panel spécifique là-dessus qui vont parler du jeu, du design, qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans, du gameplay. Ils vont comparer le premier au deuxième. Donc, quelque chose d'intéressant là, pour les gens là, qui veulent en apprendre plus sur à propos de Guild Wars. Ils vont parler aussi, je vais faire ça très rapide là, parce qu'on commence à manquer de temps. Il va y avoir des panels sur le futur du jeu en ligne, les MMO. Ça s'en va vers où? Qu'est-ce qu'on s'attend de voir dans le futur? Qu'est-ce que les gens prédisent là-dessus? Il y en a d'autres qui parlent à propos des mécaniques de jeu, que ce soit des jeux de rôle, des jeux vidéo. Comment que la mécanique influence le jeu, le développement du jeu, la direction que ça prend. La mécanique va influencer la direction même artistique en bout de ligne sur qu'est-ce qu'on fait. Donc, un panneau là-dessus quand même assez intéressant. Bien sûr, là, samedi soir, il y a un autre panel avec de la musique. Malheureusement, j'ai ma liste. J'ai oublié de le marquer. Eh oui, j'ai oublié de le marquer, mais c'est pas grave. Toujours est-il que les gens peuvent avoir toute l'information sur le site de PAX East? Sur le site de PAX East. Donc, vous pouvez toujours faire une recherche pour aller PAX East 2011 ou PAX East tout court. Vous pouvez aussi aller sur le site de Penny Arcade. Donc, faites une recherche Penny Arcade. Vous allez se trouver sur le site. Il y a un lien assez évident pour avoir, dans le fond, les panneaux qui sont disponibles et aussi avoir un plan de qu'est-ce qu'il va y avoir sur le plancher même. Des grosses compagnies. Il va y avoir Fantasy Flight Games qui va être là avec un espace propre à eux. Wizard of the Coast qui va être là encore, Turbine qui va être là, plusieurs compagnies, Microsoft aussi. Donc, tout plein de choses intéressantes à voir et à découvrir là-bas. Et si vous n'avez pas la chance, YouTube, ça va être votre ami. Vous allez voir tout ce que les panels, ils vont y avoir plusieurs qui vont sortir là-dessus, des nouveautés. Faites le tour des sites web. C'est le moment de découvrir des nouveautés. Duke Nukem, ça a été confirmé. Je vais pouvoir, en tout cas, si je fais la file, je vais pouvoir l'essayer avant qu'il sorte. Ah ouais. Donc, c'est quelque chose aussi d'intéressant de ce genre de convention-là, de pouvoir essayer des produits qui sont sur le point de sortir puis qu'on n'a pas encore eu la chance de vraiment voir. T'sais, on a vu des vidéos à gauche et à droite. Ça a l'air bon, mais ça va-tu vraiment arriver à ce qu'on s'attend? Mais là, c'est la chance de l'essayer, de faire peut-être de trouver un nouvel amour de jeu qu'on n'avait pas découvert avant. Donc, PAX East, la convention de gaming là, at large, jeux vidéo, jeux de plateau, jeux de rôle. Il y en a pour tous les goûts. Et puis, donc, voilà, ça va être très bientôt. C'est quoi les dates, déjà? Les dates. En tout cas, toujours une description maximale sera sur place. C'est ça. C'est pas cette fin de semaine qui s'en vient. C'est l'autre fin de semaine d'après. Si je me trompe pas, c'est le 10, 11 et 12 mars. Je suis peut-être trompé dans les dates, mais ça devrait ressembler à ça. Là. C'est pas cette fin de semaine-ci. L'autre d'après, je vais être rendu là-bas. Et si tout va bien, je vais pouvoir être à l'émission là, le lundi pour en parler spécifiquement si je suis pas trop fatigué. Merci beaucoup, Guillaume.

皆さんこんにちは。日本では、ナルトだけじゃなくて、皆さん、みんなで、囲碁をしている、そしてな、ケベックにも、囲碁をしてください、今からプイサンスマクシマル来てください。 Chanson d'amour de Zombie, rien que pour vous, à puissance maximale. Et puis on vient rejoindre notre correspondant à l'étranger, Andrew Castegan. Salut Andrew. Oui, salut. Tu viens de parler d'un jeu qui s'appelle Hyperdimension Neptunia. Oui, bien en fait, un petit RPG tout frais arrivé du Japon, en fait, qui est arrivé la semaine passée, si je ne me trompe pas. En fait, un jeu qu'il faut remarquer qui a été sorti le 15 février 2011, mais le 29 juillet 2010 au Japon. Un jeu qui a été fait par ID Factory, publié par NES America, une compagnie que je porte cher à mon cœur, sur la plateforme PlayStation 3. En fait, pour faire une histoire au niveau de ce jeu-là, je vous dirais que ça a été ma petite découverte du mois de février. Je m'attendais pas vraiment à ça. Hyperdimension Neptunia est un RPG qui relate un peu de la guerre qu'il y a présentement dans l'industrie de la console entre les compagnies. C'est un RPG qui raconte l'histoire de Neptune, qui est le personnage protagoniste principal, qui est dans le fond une fille qui a perdu la mémoire, mais qui en réalité est une déesse console qui représente la Sega Neptune. C'est une console qui avait été abandonnée à l'époque par Sega. Et en fait, toute cette histoire-là se passe dans un monde qui s'appelle Game Industry, qui est séparé en quatre mondes. La Neptune, qui est le monde des joueurs, contrôlé par le personnage Neptune. Le monde Leanbox, qui est contrôlé par Vert, qui est dans le fond la déesse qui représente la Xbox 360. Et je vous dirais que on le voit, c'est pas caché. C'est vraiment un personnage tout blanc avec des X verts dessus, comme on reconnaît au logo là, de la Xbox. Mm-hmm. On reconnaît aussi Noir, qui est la déesse de Last Station, qui est dans le fond le personnage de la PlayStation 3. Et nous avons aussi Blanc, qui est la déesse de la Wii, qui représente la Wii, dans le fond, qui a un costume blanc ainsi que des mains. En fait, l'histoire se passe que les quatre déesses se font une guerre pour le contrôle suprême de Game Industry. Et dans le fond, c'est une guerre qu'aucune des quatre personnes, aucune des quatre déesses va pouvoir remporter, parce que dans le fond, ils sont toutes de force égale et impossible, dans le fond, là, d'avoir un monopole de tout ce monde-là. Donc, une alliance se fait entre le monde de Leanbox, Last Station et Louis pour tasser Neptune de cette guerre-là, en lui faisant perdre la mémoire. Et malheureusement, en faisant ça, les trois autres déesses ont créé un débalancement dans le monde et des monstres et des bugs, dans le fond, apparaissent dans le game industry et le met en péril. Mais c'est super drôle, ce jeu-là. Oui, c'est vraiment intéressant. En fait, Neptune, avec dans son amnésie, un personnage vient lui parler qui représente Histoire, dans le fond, qui est le créateur de ce monde-là, qui dit, viens me libérer, je suis emprisonné par, dans le fond, par un méchant qui s'appelle Arfoir. Et juste pour savoir, c'est une méchante. Arfoir est un, je sais pas comment le prononcer correctement, mais c'est un dérivé de R4DS, qui est une des compagnies de Flashcard de la Nintendo DS. Donc, dans le fond, ça représente la communauté pirate qu'on retrouve dans le monde des jeux vidéo. Donc, il faut qu'elle aille libérer Histoire pour que Neptune retrouve ses pouvoirs et puisse rééquilibrer le monde et ainsi que tout redevienne fleurissant. Donc, je vous dirais que c'est déjà au départ, c'est un scénario qui m'a un petit peu surpris. Je m'attendais vraiment pas à voir un jeu avec ce contenu-là. En fait, aussi en même temps, je vous dirais au niveau du gameplay, au niveau du jeu, c'est vraiment du RPG classique, comme qu'est-ce que j'ai toujours apprécié de NES. On parle dans le fond d'un jeu où on se promène dans une carte. Ça ressemble un peu à quoi, à Final Fantasy? Exactement, Final Fantasy. Dans le fond, on se promène à la carte, on ne voit pas les méchants à l'avance sur la carte. C'est vraiment du random encounter. Et quand on arrive dans le combat, c'est du tour par tour. Et chacun des personnages, à tour de rôle, choisit ses attaques. La seule différence, c'est contrairement à Final Fantasy, les attaques ne sont pas disponibles à travers un menu. mais c'est bel et bien des touches sur la manette. Dans le fond, okay. Exemple, le carré va être une attaque, l'attaque physique, le rond va être une attaque à distance, donc dans le fond, un pistolet ou quelque chose comme ça qui peut faire des dégâts magiques. Et on a aussi l'attaque physique sans l'arme, qui est un coup de poing advenant le cas qu'un ennemi est immunisé à toutes les armes que les personnages peuvent avoir. Okay. Aussi, un point qui est très intéressant, NES, depuis le début de la PlayStation 3, a commencé à développer des jeux en 3D. Avant, NES avait sur le temps de la PlayStation 2, avait des jeux uniquement 2D. Tandis que sur la PlayStation 3, on a commencé à voir les nouveaux moteurs graphiques là, que NES a proposé. Et je vous dirais que ça l'a quand même de la gueule. C'est pas le plus beau jeu que j'ai vu sur la PlayStation 3, mais c'est un très beau cel shading. On s'appelle que des fois on parlait avec Vincent des styles graphiques qu'on retrouvait dans Red Faction. Pas forcément des détails très élevés, mais beaucoup de couleurs. C'est effectivement le cas. Il y a énormément de couleurs. L'animation est fluide. Par contre, c'est sûr que c'est pas un jeu qui vise à avoir la qualité graphique absolue. On veut vraiment quelque chose d'agréable à regarder avec une belle fluidité. À part ça, on retrouve vraiment tous les éléments d'un RPG de base. On retrouve les invocations. Comme exemple, dans Final Fantasy, on se rappelle, dans le fond, que les personnages pouvaient invoquer qu'est-ce qu'on appelait les summons, qui avaient, dans le fond, Ifrit, Shiva, qui sont un peu des magies plus puissantes. Des monstres ou des dragons, des trucs comme ça. Exactement. Dans Infant Dimension Neptunia, qu'est-ce qui est le fun, c'est comme je vous avais mentionné, Neptune représente Sega. Donc, tous les summons qu'elle va faire ont un lien avec les vieilles franchises de Sega. Donc, on va retrouver les personnages de Golden Axe, d'Alex Kidd, de Fantasy Zone, Altered Beast, Space Harrier, vraiment des classiques de Sega. C'est capoté, ça. C'est vraiment très intéressant. Et un élément aussi que le jeu offre de plus, c'est aussi la possibilité de créer nous-mêmes nos propres summons à partir, dans le fond, des photos qu'on a sur notre PlayStation 3. Donc, advenant le cas, exemple, que ça vous tente de faire un summon de Sonic, ou parce qu'il n'y est malheureusement pas présent, on peut aller chercher une image de Sonic, la mettre dans le jeu, et on va pouvoir l'invoquer comme un summon. Qu'est-ce que je trouve très intéressant là, à ce niveau-là. En fait, aussi un autre élément que je vous dirais, j'avais déjà parlé au niveau des NES America comme étant que c'est des jeux qui sont d'une durée limitée. Si vraiment vous cherchez un bon RPG, pas dur à prendre en main, qui a une histoire très intéressante, je vous dirais sauter sur Infant Dimension Neptunia. Il est sorti le 15 février, comme je disais, et j'ai eu de la misère à trouver ma copie pour pouvoir y jouer. C'est un jeu qui va être vraiment à tirage limité en Amérique du Nord. On parle d'une édition avec le jeu, un artbook de 34 pages avec des images couleurs et des biographies de chaque personnage, des sketchs de développement. Et c'est uniquement cette édition-là qui va être disponible en Amérique du Nord. Quand ça va être écoulé, le jeu ne sera plus trouvable. Je vous dirais actuellement, la seule place où j'ai réussi à le trouver, c'est Archambault. Même les magasins spécialisés sont présentement en rupture de stock. Eh bien. Donc, on pourrait dire, Andrew, qu'Upper Dimension Neptunia, c'est vraiment un jeu pour les old school gamers. En même temps, c'est de old school autant que les récents, puisque dans le fond, ça reflète quand même un événement frappant de l'histoire du jeu vidéo qui a été le retrait de Sega de l'industrie de la console de jeu. Mais on relate quand même de faits assez récents, puisque l'histoire, dans le fond, parle de la guerre des consoles actuelles, la septième génération, dans le fond, au niveau de la 360, PlayStation 3 et la Wii. Par contre, c'est sûr qu'on vient déterrer des vieux classiques avec le principe des summons, mais l'histoire n'est pas axée forcément sur les jeux old school. On parle vraiment de la génération actuelle de consoles. Ah ben ça va être pas mal intéressant à voir, ça franchement, ça a l'air d'être chouette. Donc, Hyper Dimension Neptunia, Andrew, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? En fait, c'est un jeu que 59,99 vaut la peine, mettez votre main dessus si vous êtes un fan du genre. Et NES America va être une compagnie à surveiller dans les prochains mois, beaucoup de titres intéressants à l'exportation nord-américaine, et c'est tout le temps juste du RPG old school, donc si vous êtes fan de ce type de jeu-là, compagnie à surveiller. Et pour finir, une note sur 10? Sur 10, à date, je vous dirais 8,5 sur 10. Oh là là là là! Donc, la note de Andrew Kestegan pour le jeu Hyper Dimension Neptunia. Ben, je te remercie beaucoup, Andrew. Ça m'a fait plaisir. Et puis, ben, on va se précipiter en musique. Oui, on va y aller encore avec une autre pièce de groupe qui va jouer à PAX East. On va y aller avec The Proto Man, que j'ai déjà fait jouer quelques pièces par le passé. Je vais en mettre une autre pièce que j'ai pas encore mis, qui vit tiré de leur deuxième album, qui est Act 2, The Father of Death. Donc, ils parlent un peu de Dr. Light, d'une certaine façon, de l'univers de Mega Man, avec la chanson Give Us the Ropes, toujours sur les ondes de CKIA. Vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, l'univers du jeu, c'est aussi de l'actualité. Alors, on commence tout de suite en disant le jeu Folichon, We Dare, pas pour les États-Unis. Oui, tu m'as parlé de ça tantôt et j'ai quand même resté surpris là, de qu'est-ce que tu m'as montré, qu'est-ce qu'on a trouvé, là, juste en fouillant rapidement. Ouais, c'est un nouveau jeu vidéo qui est sorti par Ubisoft qui va sortir pour l'instant, est annoncé juste pour l'Europe, peut-être le Canada, c'est pas confirmé, mais en tout cas, ça sortira pas aux États-Unis. Et c'est un jeu pour les adultes qui fait affronter des couples ensemble dans en faisant des comportements risqués pour gagner des points pour se mettre un peu plus proche ensemble. Donc apparemment que le jeu serait trop hot pour les joueurs des puritains des États-Unis. Mais c'est sûr, certains en ayant vu la bande-annonce tantôt, être un parent. Ouais, allez voir ça. C'est pas quelque chose que je vais acheter à mon enfant. Là. C'est sûr et certain que je vois ça, puis mon enfant de 12 ans, j'y achète pas ce jeu-là, puis c'est non, puis c'est catégorique, puis ça rentre pas chez nous. Mettons, pour décrire un peu ce qu'on a vu sur le trailer, il y a un des jeux que ça a l'air d'être de manger une pomme, dans le fond d'être un couple qui mange une pomme. Puis là, il faut faire glisser la Wii Remote. C'est comme en deux personnes, en deux têtes. Puis les deux têtes essaie de manger la Wii. Il faut peser sur les boutons, exemple. Il y en a un qui faut qu'il pèse sur le trigger en tour, l'autre faut qu'il pèse sur le bouton A. Mais on peut pas utiliser nos mains, donc il faut y aller avec notre face. Et donc, on a la manette entre les deux personnes et on doit essayer d'appuyer dessus. Donc, on peut faire des situations plutôt cocasses. Ouais. Qu'est-ce qui, en tant que tel, n'est pas mauvais. Mais je pense vraiment que ce qui leur a fait mal, c'est la bande-annonce du jeu qui, malheureusement, a fait en sorte que ça n'a pas passé le rating parce que il est annoncé pour l'instant, 12 ans. C'est 12 ans et plus pour l'instant. Et Ubisoft était tellement embarrassé par rapport à, visiblement, à ce trailer-là qu'ils ont décidé de l'enlever de YouTube en déguisant ça sur une en faisant croire que c'est une pour une question légale de copyright. Donc c'est quel studio qui a fait ce jeu là? C'est Ubisoft. Lequel on le dit dessus? Ah, ils disent pas quel studio. Donc c'est Ubisoft qui a contacté YouTube pour s'énoncer lui-même. Dans le fond, c'est une vidéo que Ubisoft avait mis lui-même, puis en tout cas bon. Et donc, Ubisoft a dit à IGN, un site de news sur les jeux, ils ont dit que le The Wither ne serait absolument pas disponible aux États-Unis. Donc, ceux qui voudraient avoir... ceux qui veulent voir son meilleur ami donner des coups sur le derrière de son épouse, ben, il va falloir trouver une autre façon que ce jeu-là pour que ça arrive. Et si jamais vous voulez trouver YouTube, puisqu'il n'est pas vraiment disponible, va peut-être réapparaître et redisparaître rapidement. Faites des recherches dans Google, peu importe dans quel navigateur, là, dans quel engin de recherche. Faites une recherche We Dare, donc W-E et non W-I-I, comme que j'ai fait au début, parce que je pensais que c'était un jeu de mots encore. Donc, W-E, espace D-A... RE, marqué trailer ou gameplay, et vous allez pouvoir trouver sur d'autres sites là, assez rapidement dans les premiers liens. Vous allez pouvoir trouver des sites qui vont vous montrer la vraie bande-annonce, le vrai trailer du jeu. Ouais. Quand même à voir juste pour sa culture personnelle. We Dare, donc nous osons. Et ça, c'est la source, c'était IGN. Sinon, Duke Nukem, donc Duke Nukem, c'est les développeurs de Duke Nukem qui répondent aux féministes. Ils disent allez-y fort. Donc, c'est le développeur, le président de Gearbox Software, Randy Pitchford, qui a dit qu'il n'est pas préoccupé par rapport aux féministes qui pourraient se plaindre de la personnalité salace et macho de Duke Nukem. Effectivement, Duke Nukem, c'est un personnage très macho. Extrêmement macho, et on se souvient dans les vieux jeux, il n'y avait pas plus macho que ça. Là. C'est le gars typique que maintenant, genre, tu peux pas te promener de même dans la société parce que tu te fais ramasser les gars et par les filles. D'ailleurs, son catchphrase, c'est « Shake it, baby ». Donc, avec quelques liasses dans ses mains, généralement. Donc, M. Pitchford, ce qu'il dit, c'est que, au contraire, si les féministes veulent utiliser le personnage de Duke Nukem pour promouvoir leur cause, faites-le. Alors, M. Pitchford dit, bon, il voit les deux aspects de la médaille alors qu'on aborde la question de Duke Nukem à propos de sa personnalité forte et son comportement questionnable, qui remonte peut-être aux années 50-60. Là. Dans le fond, il dit parlez-en, en bien ou en mal, mais parlez-en, ça va faire la publicité. Ce qu'ils disent, en fait, c'est que bon, les femmes, les organisations féministes font un bon travail pour faire la promotion des droits des femmes à travers le monde. Mais il dit qu'ils pourraient utiliser peut-être un Duke Nukem à leur avantage. Dans le fond, peut-être se servir de Duke Nukem justement comme personnage macho. C'est peut-être un commentaire de. OK. C'est bon, donc. Donc, c'est Pitchford qui parle à Eurogamer. Il a dit ça, c'est une citation de lui. Donc, utilisez les Duke Nukem à l'avantage des féministes. Donc, allez-y, utilisez Duke, ça serait extraordinaire, selon ses mots. Puis, évidemment, bon, il utilise un peu l'argumentaire libéral en disant le choix que les gens font, ça, c'est leur propre choix. Donc, si vous n'aimez pas ça, vous n'allez pas jouer. C'est un peu comme des films, dans le fond, c'est le même principe. Là. Dans les films, il y a des personnages machos et des personnages qu'on n'aime pas, qu'on voudrait frapper dedans, les expressions un peu. Il faut dire aussi que Duke Nukem, c'est un personnage caricatural. C'est un peu comme Elvis Graton, tu sais, je veux dire, c'est le gros Québécois épais. Fait que là, Féministes aussi, pour aller contre Elvis Graton, c'est le même principe. Oui, dans les deux sens, faut pas oublier que c'est une œuvre d'art, c'est de la science-fiction. C'est pas une satire aussi. Donc, mais aussi, M. Pitchford entend bien défendre quand même le jeu. Il dit quelque chose comme « Tout ce qu'on veut dans la vie, tous ensemble, c'est la même chose. On va avoir du bon temps. Il faut travailler ensemble. Il faut avoir une bonne vie et en tirer le meilleur parti. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'adore divertir. » Si je peux ajouter un peu de plaisir, ça serait quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, ça s'était tiré du blog Game Politics. Sinon, quoi d'autre? Il y aurait une rumeur qui dirait que Sony est en train de faire une PS3 incraquable. Ouh, j'ai hâte de voir ça. Donc ça, c'est toujours le rêve des développeurs de faire des consoles incraquables. Alors, ça serait une console PS3 qui serait faite avec un meilleur système de sécurité. C'est un peu dans la vague. Là, il y a eu une arrestation en Allemagne d'un gars qui s'appelle George Hutz et un groupe qui s'appelle Failover Flow. Donc, c'est un groupe qui faisait du hacking de consoles. Donc, dans cette foulée-là, ils vont sortir, ils parlent de sortir peut-être une autre console. Donc, le nouveau modèle incraquable serait en développement. Il serait vraisemblablement même qui serait très avancé. Et il serait pas. On ne pourrait pas faire les mêmes genres de craquage qu'on peut faire actuellement sur le modèle actuel. C'est sûr qu'ils vont changer leur façon de sécurité, mais les gens vont retrouver une autre façon. C'est comme le Titanic, supposément, n'était pas coulant, mais il a pogné le mauvais iceberg. Exactement. C'est le même principe ici. C'est toujours un peu des vœux pieux, effectivement. C'est comme l'iPod. Théoriquement, il sort de sécurité à toutes les 2-3 mois, puis ça prend une semaine, c'est sorti. Le PS3 est, oui, plus dur à craquer, mais ça va quand même rester que si les gens veulent vraiment, ils vont réussir à passer à travers. Mmh. Ça va juste peut-être être trop difficile pour que ça vaille la peine. Ça, c'est quand histoire. Même intéressant de voir les efforts que font les compagnies pour essayer de rendre pour lutter contre le piratage, dans le fond. Puis ça coûte cher aux compagnies en plus. Là, ça va coûter des millions et des millions pour pouvoir sécuriser ça plus. Et il y a une autre rumeur qui dit que la compagnie va baisser les prix de la console PS3 actuellement. Donc, actuellement, il les vendrait à 274 $ US, les modèles actuels. Et le nouveau modèle anti-craquage serait avec un disque dur de 300 GB et on pourrait le retrouver à environ 301 $ US. Bon, une baisse de prix, ça, c'est toujours bon pour la PS3 parce que c'est un des points faibles qu'il y a comparé aux autres consoles, c'est son prix. Donc, qu'il soit moins ou plus craquable qu'avant, ça ne dérange pas vraiment. Moi, je trouve dans ce cas-ci, c'est vraiment le prix plus bas qui va être intéressant pour les gens qui vont vouloir avoir une PS3 qui trouvaient le prix un petit peu trop élevé là, actuellement. Donc, voilà la nouvelle, une rumeur sur laquelle le PlayStation va sortir une nouvelle PS3 incraquable. Et c'était la source Computer and Video Games. Sinon, quoi d'autre? Vietnam. Nouvelle internationale. On est rendu loin. Pas de jeu en ligne après 10 heures du soir, dit le gouvernement. Ouh! c'est vraiment quand même intense là, pour mettre une limite sur les jeux comme ça. Là. Ben c'est ça, les gouvernements autoritaires comme la Chine, on a vu que c'est aussi, il y avait des politiques dans ce sens-là. Là, c'est le gouvernement du Vietnam qui instaure un couvre-feu pour les jeux en ligne. Pour les providers de services, donc les fournisseurs d'accès Internet et les cafés Internet, ils doivent bloquer leurs accès online pour les jeux online après 10 heures du soir. Et c'est le ministère vietnamien de l'information et des communications qui met la responsabilité de cette opération-là sur les ISP. Les fournisseurs Internet. Les fournisseurs Internet. Et c'est toujours un peu eux qui doivent jouer la police, un peu du gouvernement. Là, ceux ça ne sera pas évident à faire quand même, parce que pour bloquer des jeux, il faut presque t'espionner la connexion de chaque personne. Parce que tu ne peux pas juste bloquer des ports, parce qu'il y a tellement de logiciels qui peuvent utiliser d'autres ports, tu peux bloquer des choses qu'il ne faudrait pas. Et bon, c'est sûr, certains qu'il y a des moyens de contourner des affaires aussi, mais ça va demander beaucoup plus de police, de Big Brother encore plus sévère sur le lien Internet. Donc, ce serait entre 10h du soir et 8h du matin. Et donc, ce serait implémenté d'ici le 3 mars. Et ceux, les entreprises qui ne vont pas obtempérer vont avoir des grosses amendes à payer et ils seront peut-être même fermés par le gouvernement. Et le nouveau décret du gouvernement vietnamien est le dernier d'une série de mesures qui vise, dans le fond, à faire baisser le jeu en ligne auprès des enfants. Par contre, la mesure s'applique aussi sur les adultes. Mais on dit que ce serait des mesures temporaires. Temporaires. Pourquoi temporaires? Parce que le gouvernement veut, c'est un peu comme un moratoire, autrement dit, pour l'instant, c'est-à-dire que là, après ça, ils vont évaluer complètement l'effet des jeux en ligne sur les étudiants. Puis après ça, ça se peut qu'ils renforcent encore plus les contrôles. Mais au pire, les gens vont jouer aux jeux en ligne avant 10 heures, et rendus à 10 heures, ils vont jouer genre sur leur PS3, sur leur Xbox, ils vont jouer les jeux pas en ligne, qu'ils jouent tout seuls à ce moment-là. Ils vont juste changer leurs habitudes de place, je crois. Effectivement. Et le pays du Vietnam compterait environ 23 millions d'utilisateurs Internet. La plupart des gens jouent dans des cafés Internet et dans des magasins là, spécialisés pour les jeux en ligne. Et la source, c'est gl.biz. Sinon, est-ce qu'on a le temps? Oui, on a le temps encore pour une autre nouvelle. Donc, il y aurait... l'armée américaine développerait des applications iPhone pour entraîner les des soldats à utiliser des missiles Patriot. Ouh. Vraiment des applications pour toutes. Pour toutes. C'est l'arrivage vraiment des forces armées avec l'univers du jeu vidéo. Donc, c'est le développeur C2 qui va développer 7 applications iPhone pour pitcher des missiles Patriot. Donc, ça, c'est de Escapist qui a trouvé ça. Donc là, pour l'instant, il y a juste une application iPod qui a été sortie et ils sont en train de travailler sur le second. La première application enseigne à se servir des stations de lancement. Et donc, la petite application inclut des vidéos de réelles situations d'équipes en action qui utilisent des missiles Patriot. Ça inclut des illustrations et des aides visuelles. Et l'application doit être utilisée dans une classe avec un enseignant, donc avec un enseignant. La seule question que j'ai, c'est combien de temps ça va prendre pour que ça soit rendu public parce que ça va être rendu quelque part... Où est-ce qu'il faudrait pas? Et tout le monde va avoir le logiciel chez eux. Ils n'auront pas accès aux missiles, mais ils vont savoir comment le faire. Pour l'instant, en tout cas, c'est sûr que c'est pas pour la consommation du public. Il va y avoir donc plusieurs autres applications, dont une application pour faire la maintenance du radar, pour recharger les missiles Patriot, pour se servir d'électricité, en tout cas, toutes sortes de choses comme ça, pour l'industrie militaire. Et c'est de toute beauté. Sinon, quoi d'autre? Donc, vraiment, les applications iPod, ça peut servir vraiment pour n'importe quoi. Ils ont des GPS, tu peux regarder la TV, tu peux lire tes courriels, et maintenant, tu peux contrôler tes missiles et faire la maintenance des radars. Je commence à trouver ça peut-être un petit peu trop... vont peut-être un petit peu trop loin sur qu'est-ce qu'ils font là-dessus, parce qu'il ne faut pas s'attendre dans les mauvaises mains. Il me semble qu'une application militaire comme ça, n'importe qui va arriver avec son iPod à côté d'un missile qui... maintenant, je me suis entraîné dessus, je suis capable de tirer avec. Je trouve ça bizarre un peu, la vision, la façon qu'ils avancent avec ça. Je mettrais peut-être une bémol là-dessus sur ce genre d'application-là. Je vois pas ça, mettre ça là-dessus, les applications militaires. Donc, apprendre à utiliser des missiles Patriot avec son iPod. Et ça, la source, c'était de Escapist. Sinon, on parlait tout à l'heure de gens qui craquent les consoles. Il y a d'autres façons aussi de craquer pour des jeux, en trichant par exemple. Donc, il y a des accounts de StarCraft 2 qui vont être bannis de Battle.net. Donc, c'est Blizzard qui a annoncé aujourd'hui qu'il allait bannir un nombre pas encore révélé d'usagers de Battle.net. Ce sont des gens qui utilisent des cracks et des hacks pour le jeu StarCraft 2 Wings of Liberty. Donc, selon les porte-paroles officiels de Battle.net, ils disent, on a su qu'il y allait avoir, il y avait beaucoup de gens qui utilisaient des hacks sur StarCraft 2, donc on va suspendre beaucoup d'accounts parce qu'ils violent les termes d'utilisation du jeu. Et aussi, en plus, ça mine l'esprit de compétition, de saine compétition des jeux qui est essentiel pour jouer à des jeux en ligne sur Battle.net. Je pense que c'est plus ça qui est important dans ce cas-ci, parce que, comme on avait déjà parlé, que tu hackes ton StarCraft pour jouer toi-même tout seul, c'est pas grave. Dès que tu commences à brimer le jeu de quelqu'un d'autre, c'est là que ça commence à être plus important de limiter l'utilisation là-dessus. Puis il y en a qui abusent pour gagner, justement. Puis dans ce cas-ci, je suis d'accord. Il y a des façons de tricher, puis que ça soit correct, qu'on brime personne, mais quand ça commence à affecter le jeu des autres, c'est là qu'il faut commencer à couper quelque part, puis tant qu'à moi, c'est du bon travail de faire ça. Et Blizzard, il ajoute aussi que ça pourrait, les hacks puis les cheats, ça peut permettre de faire des problèmes de stabilité et de performance avec avec le service. Donc ça, c'est peut-être je pense que c'est plus une raison secondaire qu'ils rajoutent pour donner un petit peu plus de force, mais je pense que la raison première, c'est vraiment pour les autres joueurs qui jouent. C'est ça, les autres joueurs, c'est pas le fun pour eux autres. Et donc, voilà un peu de répression de Blizzard sur les comptes de Battle.net pour StarCraft 2. Et sinon, c'est tout pour les nouvelles en bref. Sinon, on va aller écouter une pièce musicale et on revient tout de suite après. On peut y aller tout de suite après ou est-ce que tu veux parler peut-être de la station tout avant? OK, allons-y. Donc, Sequoia est en crise. Sequoia risque de fermer incessamment. Sequoia, c'est la radio sur laquelle nous émettons en ce moment. On est dans les studios de Sequoia à Québec. C'est une station qui est ancrée dans son quartier depuis 25 ans. C'est quoi, il y a 150 voix alternatives. Des voix alternatives, donc des voix qui sont des porte-parole de la radio communautaire. Évidemment, qui dit radio communautaire dit différent d'une radio commerciale, différent de la radio publique. C'est des radios qui sont les voix de la communauté. Donc, pour nous appuyer, vous pouvez devenir membre de la station. Vous pouvez le faire par Internet sur CKIAFM.org, en personne au 600 Côte d'Abraham, ou vous pouvez appeler au 529-9026 sur les heures de bureau. Et puis, ça va nous faire plaisir de vous vendre une carte de membre. Si vous êtes cassé, c'est 10$. Sinon, c'est 20$. Malheureusement, c'est déjà la fin pour aujourd'hui. Une émission quand même très remplie. Malheureusement, Vincent est supposé être là. On habite au Québec, il fait mauvais dehors, il vient de la rive sud, s'en va vers la rive nord. C'est vraiment pas beau dehors. Pas toujours évident, mais on va se reprendre la semaine prochaine avec lui, c'est sûr et certain. Et merci beaucoup à François d'avoir été là aujourd'hui. Beaucoup d'articles intéressants dans les nouvelles ludiques. Merci à toi, Guillaume Forat. Ça fait plaisir. Puis on remercie aussi Ando Castegan. On remercie aussi Vincent Landlois, même s'il n'est pas pu venir. Qui promet encore pogné dans le trafic quelque part et qui essaie de nous rejoindre depuis tantôt pour nous dire qu'il ne pourra pas être là. Mais inquiète-toi pas, on est avec toi, Vincent. On te supporte dans ton périple à travers la rive nord et rive sud. Et puis sinon, on vous dit à la semaine prochaine, puis bonne semaine de jeu. It's D&D. Never kissed a lady before. Nope. Woo! All right. Take it home. A little solo for you. One more time. Now the Lord of the Rings, the dark crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa, whoa, whoa, whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D, warriors who terrify. It's D&D, virgins till the day we die.